Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui, écrit en disant « C'est celui dont j'ai dit, celui qui doit venir après moi a été placé au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, voilà celui qui l'a manifesté. Or voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Et il confessa, et il ne nia point, et il confessa « Je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu ? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Ils continuèrent de l'interroger et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi, qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui a été placé au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se reposer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent parler ainsi, et ils suivirent Jésus. Jésus, s'étant retourné, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent et virent où il demeurait, et ils restèrent chez lui ce jour-là. Il était environ la 10e heure. Or André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jona. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut aller en Galilée, et il rencontra Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et qu'ont annoncé les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël qui venait à lui et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connaissez-vous ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit, « Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes que celles-là. » Et il lui dit, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Trois jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 urnes de pierre, pour servir aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en un au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Dès que le maître d'autel eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis après qu'on a beaucoup bu, il en sert du moins bon, mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit là le premier de ses miracles, à Cana, en Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs assis. Et ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Or ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de votre maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rétablirai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et vous le rétablirez en 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin que personne ne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. Or il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, un des premiers des Juifs. Il vint la nuit auprès de Jésus et lui dit « Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur, car personne ne peut faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui dit, « Tu es maître en Israël, et tu ignores ces choses ?» En vérité, je te le dis, ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous l'attestons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses de la terre sans que vous ayez cru, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Or voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce que c'est en Dieu qu'elles sont faites. Après cela, Jésus vint avec ses disciples dans le pays de Judée, et il demeurait avec eux et baptisait. Jean baptisait aussi à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On y venait et on y était baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et auquel tu as rendu témoignage, baptise maintenant et tous vont à lui. » Jean répondit, « L'homme ne peut rien recevoir que ne lui ait été donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'écoute, est ravi de joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que ce n'est pas avec mesure que Dieu donne l'Esprit. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean, quoique Jésus ne baptisa pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient, quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or il fallait qu'il passât par la Samarie. Il vint donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or là était le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du chemin, était assis sur le puits. Il était environ la sixième heure. Une femme de la Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Cette femme samaritaine lui dit, « Comment vous qui êtes juif, me demandez-vous à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont point de rapport avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », peut-être lui aurais-tu fait toi-même cette demande, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où avez-vous don de l'eau vive ? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et maintenant, celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois bien que vous êtes un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Lors donc il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Au même instant, ses disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Cependant, aucun ne lui dit, « Que demandez-vous ?» ou « Pourquoi parlez-vous avec elle ?» La femme laissa donc là sa cruche et s'en alla dans la ville. Et elle dit aux gens, « Venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent auprès de lui. Cependant, les disciples le priaient en disant, « Maître, mangez !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson viendra ? Voici ce que je vous dis. Levez les yeux et voyez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit une récompense et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi bien que celui qui moissonne. Car ici se vérifie cette parole. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans leurs travaux. Or beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui. Sur la parole de la femme qui lui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Les Samaritains étant donc venus auprès de lui, le prièrent de demeurer chez eux. Et il y demeura 2 jours. Et il y en eut un bien plus grand nombre qui crurent en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » 2 jours après, il partit de là et s'en alla en Galilée, car Jésus lui-même a rendu ce témoignage qu'un prophète n'est point honoré dans sa patrie. Donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem au jour de la fête, car eux aussi, ils étaient allés à la fête. Jésus vint donc de nouveau à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un officier du roi, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il alla auprès de lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier lui dit, « Seigneur, descendez avant que mon fils meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit !» Et il crut, lui et toute sa maison. Ce fut là le second miracle que fit Jésus, après être revenu de Judée en Galilée. Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem la piscine des brebis, qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était étendu un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et en agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier dans la piscine, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Or il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus,

aussi qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je n'accepte pas la gloire qui vient des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez à Moïse, vous croiriez aussi en moi, puisque c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Après cela, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une multitude nombreuse le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta donc sur une montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux, et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit donc, « Faites asseoir ces hommes. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit alors les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés pour qu'ils ne se perdent pas. » Ils les ramassèrent donc, et ils emplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau, tout seul, sur la montagne. Lorsque le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et étant montés dans une barque, ils s'avancèrent vers Capharnaüm de l'autre côté de la mer. Or, il faisait déjà nuit, et Jésus n'était pas venu à eux. Cependant, la mer se soulevait au souffle d'un grand vent. Lorsqu'ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et qui s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, ne craignez point. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt la barque se trouva au lieu où ils allaient. Le lendemain, la foule, qui était restée de l'autre côté de la mer, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas entré dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples seuls étaient partis. Cependant, d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule, ayant donc vu que Jésus n'était pas là, non plus que ses disciples, monta dans les barques et vint à Capharnaüm cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand êtes-vous venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez en vue d'obtenir non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent donc, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Et ils lui dirent, « Quel miracle faites-vous donc, afin que nous voyions et que nous croyions en vous ? Que faites-vous ?» Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel ?» Mais Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Non que quelqu'un ait vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux en disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit donc, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses en enseignant dans la synagogue à Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, l'ayant entendu, dirent « Cette parole est dure, et qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car dès le commencement, Jésus savait ceux qui ne croyaient point, et quel était celui qui le trahirait. Et il disait, « C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par mon Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, est-ce que vous voulez aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle, et nous, nous avons cru, et nous avons connu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi au nombre de 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le trahir, quoiqu'il fût l'un des 12. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas aller en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, dite des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Car personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à paraître. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Pour moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, il demeura en Galilée. Mais lorsque ses frères furent partis, il monta lui aussi à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient « Où est-il ? » Et il y avait une grande rumeur dans la foule à son sujet, car les uns disaient « C'est un homme de bien ». Les autres disaient « Non, mais il séduit les foules ». Cependant, personne ne parlait de lui publiquement, par crainte des Juifs. Or, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les lettres, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura, au sujet de ma doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et aucun de vous n'accomplit la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » La foule répondit, « Vous êtes possédés du démon. Qui est-ce qui cherche à vous faire mourir ?» Jésus leur répliqua et dit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Cependant, Moïse vous a donné la circoncision, quoiqu'elle ne vienne pas de Moïse, mais des patriarches, et vous pratiquez la circoncision le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi ? Parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques-uns qui étaient de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ? Et voilà qu'ils parlent publiquement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les autorités ont reconnu qu'il est le Christ ? Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Or, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus criait donc dans le temple, enseignant et disant, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens de lui, et que c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais parmi la foule, beaucoup crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, lorsqu'il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces choses à son sujet, et de concert avec les chefs, ils envoyèrent des agents pour l'arrêter. Jésus leur dit donc, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent donc entre eux, « Où ira-t-il, que nous ne le trouverons pas ? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils, et instruira-t-il les gentils ? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir ?» Le dernier jour, qui est le plus grand de la fête, Jésus se tenait debout et criait en disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Plusieurs, donc, parmi la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Mais quelques autres disaient, « Est-ce que le Christ viendra de Galilée ? » L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la race de David et du bourg de Bethléem où était David ? Il y eut donc division dans la foule à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les agents retournèrent donc vers les princes, des prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les agents répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous avez été séduit, vous aussi ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus la nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'entende d'abord et sans qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et ils lui répondirent, « Es-tu galiléen toi aussi ? Scrute les Écritures et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. » Et ils s'en retournèrent chacun dans sa maison. Or Jésus se rendit sur la montagne des Oliviers. Et de grand matin, il vint de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu de la foule. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme vient d'être surprise en adultère. » Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Vous donc, que dites-vous ? Il disait cela pour le tenter, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il persistait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier. » Puis, se baissant de nouveau, il écrivait sur la terre. Mais ayant entendu cela, ils se retirèrent, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, et Jésus demeura seul avec cette femme, qui était debout au milieu. Alors Jésus, se relevant, lui dit, « Femme, Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamnerai pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent donc, « Vous vous rendez témoignage à vous-même. Votre témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Il lui disait donc, « Où est votre Père ?» Jésus leur répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces choses, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Est-ce qu'il se tuera lui-même, puisqu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Ils lui dirent donc, « Qui êtes-vous ? » Jésus leur répondit, « Je suis le principe, moi qui vous parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai appris de lui, je le dis dans le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il disait que Dieu était son Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Jésus disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dites-vous, vous serez libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous met en liberté, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes fils d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas prise sur vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants de fornication. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit donc, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous avez le diable pour père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, quand je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent donc et lui dirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon ?» Jésus répondit, « Je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire. Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous connaissons que vous êtes possédé du démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi, et vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et que les prophètes qui sont morts aussi? Qui prétendez-vous être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu, et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, désirant voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, « je suis. » Ils prirent donc des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient, pendant laquelle personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant. De sorte que ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant mendier disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Et d'autres, « Nullement, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui, il disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Cet homme, qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, et en a oint mes yeux, puis il m'a dit, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, et je me suis lavé, et je vois. Et ils lui dirent, « Où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc aussi comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles ?» Et il y avait division entre eux. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Les parents répondirent en disant, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment voit-il maintenant ? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux ? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il a l'âge, qu'il parle pour lui-même. » Ses parents dire cela parce qu'il craignait les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus ensemble que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent « Il a l'âge, interrogez-le lui-même ». Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur ». Il leur dit « Si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Ils lui dirent donc « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Est-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ?» Alors ils l'accablèrent d'injures et dirent « Toi, sois son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit et dit « C'est ceci qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. Or nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Il répondit « Je crois, Seigneur. » Et se prosternant, il l'adora. Alors Jésus dit « C'est pour un jugement que je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui l'entendirent et lui dirent « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché demeure. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les fait sortir. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles le fuient, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit donc encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient plus abondamment. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire et celui qui n'est point pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup ravit et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et elles écouteront ma voix, et il n'y aura qu'une seule bergerie et qu'un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre de nouveau. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut encore une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé du démon, et il a perdu le sens. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont point là les paroles d'un homme possédé du démon. Le démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Or, on faisait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent donc et lui dirent « Jusques à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le nous clairement. » Jésus leur répondit « Je vous parle et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent elles-mêmes témoignage de moi, mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toute chose, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème, et parce qu'étant homme, vous vous faites Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi « J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être détruite, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et si vous ne voulez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi dans le Père. » Ils cherchaient donc à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains, et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il demeura là. Beaucoup vinrent à lui, et il disait « Jean n'a fait aucun miracle !» Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et beaucoup crurent en lui. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, le bourg de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, qui était malade, était son frère. Ses sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que vous aimez est malade. » Entendant cela, Jésus leur dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta cependant 2 jours encore dans le même lieu. Il dit ensuite à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Maître, les Juifs cherchaient récemment à vous lapider, vous retournez là ?» Jésus répondit, « Le jour n'a-t-il pas 12 heures? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il n'a pas de lumière en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Or Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit donc alors clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, et mourons avec lui. » Jésus vint donc, et il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Dès que Marthe eut appris que Jésus venait, elle alla au-devant de lui. Mais Marie était assise dans la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant, encore, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu dans ce monde. » Lorsqu'elle lui dit ces choses, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, à voix basse en disant, « Le Maître est là et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva aussitôt et alla auprès de lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le bourg, mais il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Cependant, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut venue là où était Jésus, le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, lorsqu'il la vit pleurer et qu'il vit les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer aussi, frémit en son esprit et se troubla lui-même. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, venez et voyez. » Et Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle né, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne mourût point ?» Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée par-dessus. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez écouté. Pour moi, je savais que vous m'écoutez toujours, mais je parle ainsi à cause du peuple qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et aussitôt le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup d'ondes entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les princes des prêtres et les pharisiens assemblèrent donc le conseil et ils disaient, « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ruineront notre ville et notre nation. » Mais l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. À partir de ce jour, il pensait donc à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla dans une région voisine du désert, dans une ville nommée Éphrem, et il demeurait là avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup montèrent de cette région à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus, et se disaient les uns aux autres, debout dans le temple, « Que pensez-vous de ce qu'il n'est pas venu à la fête ?» Mais les princes des prêtres et les pharisiens avaient donné ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on le saisît. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était mort Lazare, qu'il avait ressuscité. On lui fit là un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors, Marie prit une livre de parfum de vrai nard, d'un grand prix, et en oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit donc « Laissez-la afin qu'elle réserve ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or, les princes des prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup d'entre les Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse, qui était venue pour la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier et alla au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus ainsi qu'il est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais après que Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles avaient été écrites à son sujet et qu'il les lui avait faites. La foule qui était avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Voyez-vous que nous ne gagnons rien, voilà que tout le monde va après lui. » Or il y avait là quelques gentils, de ceux qui étaient montés pour adorer au jour de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et ils le priaient en disant, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais... s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivrez-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifiez votre nom. Alors vint une voix du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule, qui était présente et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus répondit et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix est venue, mais pour vous. C'est maintenant le jugement du monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dites-vous, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Quel est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient point en lui, afin que s'accomplît la parole du prophète Isaïe qui a dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous faisons entendre, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pour cela qu'ils ne pouvaient croire, car Isaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Isaïe a dit cela lorsqu'il a vu sa gloire, qu'il a parlé de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, pour n'être pas chassés de la synagogue, car ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Celui qui me méprise et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole même que j'ai annoncée le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même prescrit ce que je dois dire et comment je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jésus, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était sorti de Dieu, et qu'il retournait à Dieu, se leva de table et ôta ses vêtements. Et, ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Vous, Seigneur, vous me lavez les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Vous ne me laverez jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds, car il est pur tout entier. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait quel était celui qui le trahirait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que ce que je vous ai fait, vous le fassiez aussi. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous serez heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange du pain avec moi lèvera son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle sera arrivée, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit, et il fit cette déclaration, et il dit, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Mais l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, « Quel est celui dont il parle ?» Ce disciple, s'étant alors penché sur le sein de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je présenterai du pain trempé. » Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et quand il eut pris cette bouchée, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le au plus tôt. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus avait voulu lui dire « Achète ce qui nous est nécessaire pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant donc pris cette bouchée, sortit aussitôt. Et il était nuit. Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus que pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où allez-vous ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne pourrais-je pas vous suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour vous. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et bientôt vous le connaîtrez et vous l'avez déjà vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit, voit aussi le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père ? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, qui demeure en moi, fait lui-même mes œuvres. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Croyez-le du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais,

Vous vous demandez entre vous pourquoi j'ai dit « encore un peu de temps » et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez, vous, et le monde se réjouira. Vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance, dans la joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde. Vous, donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Et ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père vous aime lui-même, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Je quitte de nouveau le monde, et je vais auprès du Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant, vous parlez ouvertement et vous ne dites plus de paraboles. Maintenant, nous savons que vous savez toutes choses, et que vous n'avez pas besoin que personne vous interroge. Voilà pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez à présent ? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Ayant dit ces choses, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils afin que votre Fils vous glorifie, en donnant, selon la puissance que vous lui avez accordée sur toute chair, la vie éternelle à tous ceux que vous lui avez donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donnée à faire. Et maintenant, glorifiez-moi, vous, Père, auprès de vous-même, de la gloire que j'ai eue auprès de vous avant que le monde fût. J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés du milieu du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Maintenant, ils savent que tout ce que vous m'avez donné vient de vous. Car je leur ai donné les paroles que vous m'avez données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de vous, et ils ont cru que vous m'avez envoyé. C'est pour eux que je prie. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Et déjà, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, et moi je viens à vous. Père Saint, gardez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en votre nom. Ceux que vous m'avez donnés, je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à vous, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie complète en eux-mêmes. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi non plus je ne suis pas du monde. Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi non plus je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est vérité. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous, afin qu'ils soient, eux aussi, un en nous, pour que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et la gloire que vous m'avez donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, nous aussi. Moi en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé, et que vous les avez aimés, comme vous m'avez aimé. Père, je veux que, là où je suis, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi, je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé. Je leur ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et moi aussi en eux. Après avoir dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, parce que Jésus y était souvent venu avec ses disciples. Judas, ayant donc pris la cohorte, et des gardes fournis par les princes des prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, vint au-devant d'eux et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Or Judas, qui le trahissait, se tenait là aussi avec eux. Lors donc que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi ». Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse cette parole qu'il avait dite. De ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas le calice que mon père m'a donné ? La cohorte et le tribun et les satellites des Juifs prirent donc Jésus et le lièrent. Et ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus avec un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit donc et parla à la portière et fit entrer Pierre. Cette servante, qui gardait la porte, dit à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les satellites se tenaient auprès du feu parce qu'il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre était aussi avec eux et se chauffait. Cependant, le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » Lorsqu'il lui dit cela, un des satellites qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lier à Caïphe, le grand prêtre. Or Simon-Pierre était là debout et se chauffait. On lui dit donc « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Il le nia en disant « Je n'en suis pas. » Alors un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Est-ce que je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, et ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc à eux dehors et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il avait marqué de quelle mort il devait mourir. Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire et appela Jésus. Et il lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les princes des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ayant dit cela, il sortit de nouveau pour aller auprès des Juifs. Et il leur dit « Je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. Mais c'est la coutume que je vous délivre quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous délivre le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous en disant « Pas celui-ci, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Pilate prit donc alors Jésus et le fit flageller. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils venaient auprès de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit donc de nouveau et dit aux Juifs « Voici que je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les princes des prêtres et les satellites le virent, ils criaient en disant « Crucifie ! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il craignit encore davantage. Et étant entré de nouveau dans le prétoire, il dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui fit pas de réponse. Alors Pilate lui dit « Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient en disant « Si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal au lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Et il dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils criaient « Ôte-le, ôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les princes des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et, portant sa croix, il vint au lieu appelé Calvaire, en hébreu Golgotha. Là, Ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi une inscription, qu'il plaça au-dessus de la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville. Elle était rédigée en hébreu, en grec et en latin. Mais les pontifes des Juifs disaient à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, c'était une tunique sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. » C'est là ce que firent les soldats. Cependant, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Ayant donc vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'Écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et la fixant à un rameau d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car ce jour de sabbat était solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des suppliciés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Étant ensuite venus à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véridique. Et il sait qu'il est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses ont été faites, afin que l'Écriture fût accomplie. Vous ne briserez aucun de ses os. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils contempleront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate qu'il lui permît de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était venu auprès de Jésus pendant la nuit, vint aussi, apportant environ 100 livres d'une composition de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait, dans le lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans ce jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut donc là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche, qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au sépulcre dès le matin, comme les ténèbres régnaient encore, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint auprès de Simon-Pierre et de l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre sortit donc avec cet autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les linceuls posés à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, vint aussi et entra dans le sépulcre. Il vit les linceuls posés à terre. Et le suaire, qu'on avait mis sur sa tête, non pas posé avec les linceuls, mais roulé à part dans un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne savait pas encore, d'après l'Écriture, qu'il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, pleurant, et tout en pleurant, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait été déposé le corps de Jésus. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et que je ne sais où ils l'ont mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus, debout. Mais elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et je l'emporterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, comme les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc en voyant le Seigneur. Et il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. » Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains le trou des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples étaient enfermés de nouveau, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Introduis ton doigt ici. » Et vois mes mains, approche aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont point écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que le croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples près de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre et Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous y allons aussi avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus parut sur le rivage, mais les disciples ne reconnurent pas que c'était Jésus. Jésus leur dit donc, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la multitude des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il se ceignit de sa tunique, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, car ils étaient peu éloignés de la terre, environ de 200 coudées, tirant le filet plein de poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés et du poisson placé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne fut pas rompu. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun de ceux qui prenaient part au repas n'osait lui demander, « Qui êtes-vous ? » Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus vint, prit le pain et le leur donna, ainsi que du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit de nouveau, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, vous savez toutes choses, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudras pas. » Or, il dit cela pour marquer par quelle mort il devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, et qui, pendant la scène, s'était reposé sur son sein et avait dit, « Seigneur, quel est celui qui vous trahira ?» Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus, « Seigneur, celui-ci, que deviendra-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit, « Il ne mourra point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres que l'on devrait écrire.